Chapitre 47. Pêche à l'oursin. Cependant, patron Ruff s'impatientait. « À la fin, qu'avanceras-tu, méchant mousse? Voilà 2 heures qu'on t'espère. » Je crus d'abord qu'il s'adressait à Gantôme. Mais aussitôt, patron Ruff ajouta. « Le tonnerre de Dieu me cure. On ne fera jamais rien de cet animal. » Je m'étonnais que le brave patron Ruff, si réfléchi, de si bonne manière, parlât ainsi, surtout à son fils. Mais je m'aperçus qu'il riait en dessous, malgré qu'il fît la grosse voix, et compris que sa colère était feinte. Un homme à barbe grise sortit des tamaris. Il tenait de chaque main une dourgue vernissée qu'il venait de remplir à la source, et quoique vêtu en simple matelot, il portait la rosette rouge à la boutonnière. « C'est vous, colonel ? » s'écria M. Honora. « Quel bon vent ! Quel heureux hasard !» Mais patron Ruff ne lui donna pas le temps de répondre. « Allons, mousse, passe-moi la dourgue, et plus vite que ça, la langue me pèle !» Le mousse de 50 ans passé, officier de la Légion d'honneur, passa la dourgue. Patron Ruff avait l'air de s'amuser beaucoup. Il fit semblant de se calmer après avoir bu un coup d'eau fraîche, et le mousse colonel put nous donner des explications. Ils étaient comme ceux-là, dans Antibes, une douzaine de vieux officiers en retraite qui subissaient la même destinée que lui. Pris de la folie de la mer et passant les 3/4 de leur vie sur l'eau, c'était rien pour échapper aux tyrannies d'un règlement qui n'est pas doux à l'endroit des marins amateurs et se soustraire une fois pour toutes aux vexations et aux amants du terrible commissaire du port, avait résolu de prendre le brevet de patron pêcheur. Mais avant d'être patron, il faut, selon l'ordonnance de Colbert, toujours en vigueur sur nos côtes, avoir fait un stage de mousse. Et ils faisaient leur stage de mousse avec sérieux, les braves gens, chez des patrons amis qui voulaient bien d'eux. Les patrons, naturellement, les traitaient en mousse. « Pour ma part, disait philosophiquement le colonel, je n'ai pas encore trop à me plaindre. » Patron Ruff crie « Mais il est bon homme. J'en sais qui sont tombés plus mal. » À ce moment, patron Ruff se remit à tempêter. « La fiole d'huile, les paniers, les rames !»« À vos ordres, voilà. Le patron se fâche. Embarquons !» J'étais un peu surpris de ne pas voir le moindre filet dans le bateau. « Avec quoi, diantre, alors pêche-t-on les oursins ?»« Patience, nous trouverons dans les caniers de Van Méjane plus d'engins qu'il ne nous en faut. » En effet, comme nous longeions Van Méjane, le colonel, tout à ses devoirs de mousse, et bien qu'un peu humilié par la présence de Norette, prit terre bravement et coupa, dans une haie de roseaux, échevelée et frémissante, plusieurs cannes de belle longueur. Puis, s'étant rembarqué, il dépouilla les cannes de leurs feuilles. Il les fendit en 4 par un bout. Il introduisit dans ce bout, pour en tenir les 4 sections écartées, un caillou rond ramassé exprès sur la plage. Il tailla, ficela, cira et se trouva avoir fabriqué de la sorte des ustensiles assez pareils aux cueilloirs à fruits dont se servent les jardiniers. Le mieux réussi fut pour Norette. Pendant cette importante opération, patron Ruff, aidé de Gantôme et employant tantôt la voile, tantôt la rame, nous avait doucement conduit à l'endroit désiré. Sur un fond de rochers et d'algues, à travers l'eau d'un vert lumineux, on voyait se promener les oursins, cheminant un peu de côté à l'aide de leurs piquants mobiles, en sorte qu'on eût dit de gros marrons hérissés dans leur coque et qui vivaient. Il ne nous restait plus qu'à les cueillir, ce qui, au premier abord, paraît simple. Vous plongez le roseau dans l'eau, vous visez l'animal, foncez, ramenez. Eh bien, mais pas déjà si simple que cela. Monsieur Honora, Gantôme et Norette ont la main à cet exercice et manquent rarement leur coup. le colonel et moi, les manquons à chaque fois. C'est le diable que de diriger sous l'eau, à près de deux brasses, un roseau que la réfraction vous fait paraître cassé en deux. Je m'aveugle, couché sur le ventre, à scruter ces claires profondeurs, scintillantes, pénétrées de soleil, où roulent des émeraudes fondues. Victoire ! Fourrageant à tort et à travers, enfin mon roseau remonte, avec un oursin au bout. Un oursin bleu, hélas ! Au lieu d'être couleur d'acajou, le mien a chacune de ses pointes, lesquelles ne piquent point, porte une paire de turquoises, du ton le plus délicat. Très joli à voir l'oursin bleu, mais d'un coup positivement détestable. Tous me raillent pour ce bel exploit, et Norette plus que les autres. Mais patron Ruff prend pitié de moi. Il me relève de mes fonctions de pêcheur et me confie la fiole à l'huile. La brise s'est levée, la mer commence à rire, et l'on voit trouble au fond de l'eau. Avec une barbe de plume, suivant l'immémorial usage que les Provençaux tiennent des Grecs, j'asperge de quelques gouttes d'huile les vagues autour de la barque. L'huile s'étale, les vagues s'effacent, et la mer, au milieu des flots remués, redevient, sur un espace de quelques pieds, unie, comme une glace légèrement irisée. Des oursins, et puis des oursins, les douzaines succèdent aux douzaines. Enfin, patron Ruff dépose sa lance, allume une pipe et déclare qu'en voilà de reste et qu'il est temps de déjeuner. 9 heures. Le soleil est déjà haut. On débarque, on s'installe à l'ombre sous une roche grise et lavée que parsèment des aiguilles de pin. Là-bas, au loin, par-delà le golfe, la côte arrondit sa noble ligne entre la mer d'azur et les Alpes violettes dentelées de neige. Paresseuse, la mer soupire. Les pins répondent à la mer. Alors, oubliant les oursins, regardant Mademoiselle Norette, toujours impassible et hautaine, je me mets à envier le colonel. Il ne songe point aux amours. Un encouragement de patron Ruff est plus doux à son cœur que tous les sourires de Norette. Et je voudrais, comme lui, être mousse. Oui, bon vieux mousse à barbe grise, avec l'ami Ruff pour patron.